Agrippine, mère de Néron, par Pitre Chevalier. Le vertueux Germanicus avait été le père de cette princesse. Douée par la nature des charmes de la beauté et de ceux de l'esprit, elle n'hérita cependant ni de la douceur qui caractérisa cette victime illustre de Tibère, ni de la noble fierté de sa mère malheureuse. Une ambition démesurée et insatiable fut le mobile de sa vie entière. À cette seule passion, mère de toutes les autres, Agrippine immola les heureux dons qu'elle avait reçus du ciel. La main qui la priva de l'auteur de ses jours lui désignait aussi son époux. Tibère appela ce titre Domitius Athenébardus. À peine âgé de 14 ans, Agrippine fut ni un homme peu capable d'ailleurs de s'opposer à ses vues. Après quelques années, Domitius laissa son époux seul avec le fils qu'elle lui avait donné. C'était Néron. Néron, digne fils d'une telle mère. Veuve, sa vie offrit le tableau scandaleux de tout ce que les vices sont d'horrible, et Agrippine mérita l'anathème de la vertu et le mépris même des complices de ses désordres. Éloignée de la cour par Caligula, son frère, elle attendit dans l'exil que les vicissitudes de la fortune élevassent Claude au trône impérial. Ce moment arriva, et le meurtre de Caligula rendit bientôt la liberté à Agrippine. La nièce de l'empereur fut rappelée à la cour de Rome. Ce fut alors qu'elle s'attacha par de second nœud Crispus Passienus, patricien d'une illustre famille. Ses biens immenses, 200 millions de sesterces, qu'on peut évaluer à 25 millions de livres tournois, flattèrent plus la cupidité de la vie de princesse que l'amour du patricien ne toucha son cœur. Aussi imprudent que généreux, il institua Agrippine héritière unique de ses biens. Mais cette épouse cruelle, avide de jouir de ce brillant héritage, ne laissa pas son époux trop confiant le temps de l'apprécier. Passienus périt empoisonné, et la main d'Agrippine trempa pour la première fois alors dans le meurtre. Le titre de nièce de l'empereur lui avait procuré de faciles et fréquentations relations avec la cour. Les portes du palais, souvent inaccessibles à l'illustre personnage, s'ouvraient toujours devant elle, et ses charmes lui avaient déjà obtenu sur le cœur dépravé et le faible esprit de Claude un empire qui lui fut devenu funeste enfin, si l'amour de la jalouse Messaline n'était venu à propos servir les desseins de son ambitieuse rivale. Appuyée de l'influence de la franchie Pallas et de celle qu'elle s'était acquise déjà sur l'empereur, elle l'emporta sans peine sur les protégés de Caliste et de Narcisse. C'était Lollia Paulina et Lia Pétina qui osaient lui disputer le cœur de Claude et le trône de Messaline. Le choix de l'empereur fut facilement arrêté, et Agrippine, élevée au plus haut échelon de la fortune et du pouvoir, travailla à faire monter auprès d'elle Domitius, son fils. Elle l'attacha d'abord adroitement à la famille de l'empereur en lui faisant épouser Octavie. Mais ce plan n'avait pu s'exécuter sans perfidie, la jeune princesse ayant été dès longtemps promise à Silanus. Cet homme illustre et vertueux comptait parmi ses ancêtres le grand empereur Auguste. Digne de l'aimable Octavie, il devait rendre heureuse la jeune princesse et effacer avec elle-même ce qu'il y avait de souillure attaché au sang impérial. Mais rien n'était difficile à Agrippine. Silanus occupait alors la charge de prêteur. Agrippine eut bientôt fait publier une ordonnance qui l'excluait du Sénat. À l'ombre de prétextes qui n'étaient que soupçons et calomnies flétrissantes, propres à l'occuper plutôt du soin de défendre son honneur outragé que de celui de disputer sa fiancée au fils d'Agrippine. Silanus fut contraint d'abdiquer la préture. Octavie en pleurs fut conduite aux autels et Néron fut nommé le gendre de l'empereur. Le jour même des noces de Claude et d'Agrippine, l'infortuné Silanus s'était donné la mort. Son nom était désormais flétri, ses espérances renversées. La tombe était le seul asile que n'avait pu lui enlever la cruelle Agrippine. Cependant, la politique de l'impératrice ne tarda pas à lui faire comprendre que pour faire approuver ses actes tyranniques, il fallait signaler sa puissance par quelques traits d'éclatante clémence. À cet effet, elle rappelle de l'exil l'illustre Sénèque, qui avait gémi 8 années dans les solitudes de la Corse où l'avait relégué la haine de Caligula. Assuré de la protection de l'impératrice, il reçut d'elle la tâche difficile d'imprimer au cœur de Néron les préceptes salutaires de la sagesse et de la science. Mais Agrippine avait senti trop tard que la vertu est indispensable à l'homme pour son bonheur. Jusque-là, les leçons d'un danseur et d'un baigneur avait formé l'éducation du fils de Domitius. Sénèque accepta la confiance de sa souveraine et la charge qu'avait laissée Silanus. En approchant ainsi Sénèque de la personne de son fils, l'impératrice n'avait pas qu'un seul but, car en prétendant se servir de cet homme habile pour s'assurer la puissance, elle voulut aussi se donner le mérite de savoir récompenser le génie et la vertu, et elle pensa avec raison que le peuple lui saurait gré des bienfaits qu'elle accordait à un homme tant honoré. Le fils d'Agrippine était maintenant devenu l'égal de Britannicus, le fils même de l'empereur. Son union avec la princesse Octavie l'avait fait frère du prince. Ce rang, que lui avait assigné un illustre hymen, n'était pourtant pas celui auquel Agrippine aspirait pour son fils. Il lui fallait plus encore. Mais avant de mettre la main aux entreprises qu'elle méditait, elle voulut assouvir une haine. L'impératrice ne pouvait pardonner à Lollia Paulina d'avoir osé rivaliser avec elle autrefois. 1000 accusations furent dressées contre elle, et celle de Magie ne fut pas la moins influente sur un peuple ignorant et abusé. Claude ne daigna pas entendre l'accusé. Agrippine parlait. Suivant sa pratique habituelle, il formula l'accusation et la fit soumettre au Sénat. La sentence fut exécutée bientôt. Elle comportait l'exil, et avec lui, la confiscation des immenses biens de la malheureuse Lollia. Quelque temps après l'exécution de cet acte inique, des émissaires secrets furent envoyés vers la victime de l'impératrice, et Dion affirme que cet homme cruel se donna la barbare jouissance de contempler la tête inanimée de Lollia après qu'elle eut fait accomplir ses ordres sanguinaires. À la suite de ces barbaries, digne prélude de l'acte qui tena l'Empire à Néron, Agrippine fit adopter son fils par Claude. Nous sommes en l'an 50 de Jésus-Christ. Le projet de l'élévation de ce fils avait toujours été sa plus chère pensée. « Il fera mourir sa mère, lui dit l'oracle, quand il sera parvenu à l'Empire. Qu'importe, pourvu qu'il règne, répondait-elle. » Ce fut à l'occasion de cette adoption que le Sénat complaisant décerna à Agrippine le titre d'Auguste. Lorsque le succès de cette entreprise fut enfin assuré à l'impératrice, le sort du malheureux prince Britannicus devint digne de pitié. Abandonné des siens et de tous, le fils de l'empereur voyait à peine attaché à son service quelques esclaves. Il était devenu le jouet d'une belle-mère dont les feintes caresses ne lui en imposaient pas. S'il se fut mépris d'ailleurs, l'esprit inquiet, ombrageux et cruel de l'impératrice ne lui faisait que trop pressentir ses destins misérables. Agrippine avait abaissé au dernier point l'héritier légitime de la pourpre qu'elle usurpait pour son fils. Britannicus s'était vu enlever ses affranchis les plus dévoués, ses serviteurs, ses amis les plus fidèles. Privilège, honneur, il avait tout perdu. Mais les cohortes prétoriennes avaient conservé leur chef, créature de Messaline. L'impératrice craignit qu'ils conservassent au fond du cœur le souvenir de leur bienfaitrice et quelque reconnaissance pour son fils. Aussitôt, ses commandants sont arrachés au poste qu'ils remplissent avec honneur, sous le prétexte d'une secrète conspiration et ses burus à qui l'impératrice confère leur dignité. Néanmoins, en travaillant pour son fils, Agrippine n'oubliait jamais le sein de sa propre gloire. Elle pensa toujours à éblouir et fasciner les yeux du peuple romain. Elle conquit le privilège de faire ses entrées au Capitole sur le char des sacrificateurs et des prêtres à côté des choses sacrées. Cette suprême distinction augmenta pour elle le respect et la vénération de ce peuple timide et rampant devant les plus audacieux, et Agrippine, ce sanctuaire du vice et de la dissolution, devint pour Rome pervertie une nouvelle idole. Bientôt on vit plus encore. Au milieu de la cité des Juviens, où l'épouse de Claude avait vu le jour, fut établie une colonie, Colonia Agrippinensis, du nom de sa fondatrice. C'est dans ce lieu même que, quelques siècles après, s'élevèrent les murs de l'antique et superbe Cologne. Cependant l'empereur, qui, subjugué jusqu'alors par la beauté de sa perfide compagne, avait adhéré aveuglément à tout ce qu'elle avait exigé, commençait enfin à ouvrir les yeux sur les crimes de l'impératrice et sur toute sa conduite. Peut-être une étincelle de vérité pénétra-t-elle enfin dans ce cœur abusé, dans cette intelligence éteinte. Un moment Claude fut homme, et la droite Agrippine sut recueillir une leçon des paroles que laissa échapper son imprudent époux. Dès lors, un projet criminel, mais hardi, entra dans l'esprit d'Agrippine. et résolue de finir son entreprise, elle n'attendit pas les conseils de l'expérience. Narcisse, qui pouvait sonder son âme et deviner la mystérieuse espérance qu'elle nourrissait, ajouta à ce titre celui de son dévouement pour Britannicus. Elle jugea que l'éloignement seul pouvait la débarrasser d'un adversaire aussi dangereux, et Narcisse fut écarté. Cet exil causa une vive affliction à l'empereur. Était-ce attachement ou était-ce plutôt l'ombre d'un pressentiment sinistre? Tant que ce vigilant gardien aurait veillé sur la personne de son maître, l'empereur était à l'abri de tout maléfice. Mais il fallait encore un crime à Agrippine pour parvenir au plus cher de ses vœux, et tout ce qu'elle put compter comme obstacle fut éloigné ou sacrifié. Il était temps qu'Agrippine se hâtât. Un moment de plus, et peut-être Claude, qui conservait encore de la tendresse pour son fils, allait se repentir de l'adoption de Néron. Un moment encore, et l'empereur pouvait redevenir père et juste. Agrippine trembla de se voir surprise à son œuvre. Un instant pouvait peut-être confondre à jamais son espoir, anéantir cet édifice que tant de soins, de sollicitude avaient formé, lui enlever le fruit de tant de ruses, de travaux et d'efforts. Elle en frémit. Un seul crime, mais un crime inouï, pouvait la sauver. Agrippine l'accomplit. Elle saisit avidement à cet effet l'occasion que lui présente une indisposition de l'empereur. Mais il faut un poison dont la violence ne pourra la trahir et dont la lenteur n'entravera pas ses desseins. C'est à l'art mystérieux de locuste qu'elle s'adresse. La meurtrière se procure le poison qui peut servir à souhait les vœux de l'impératrice. Et elle échange contre quelques milliers de sesterces un secret dont dépendent tant d'illustres destinées. Le mortel breuvage est présenté par un eunuque à l'empereur, et Agrippine, à son chevet, observant les contractions de son visage défiguré, comptant les battements de ce cœur qui se glace, suivant de ses regards homicides les degrés de cette agonie qui s'achève, attend l'instant où le dernier soupir de Claude doit remettre l'empire aux mains de Néron. Il arriva ce moment où, frémissante de bonheur, elle arracha le sceptre impérial des mains raidies de Claude. Mais Agrippine dut contenir les transports de sa joie. Il fallait cacher au peuple le plus longtemps possible la mort inopinée de son empereur. Puis Néron fut proclamé en l'an 54 de Jésus-Christ. Arrivé à son but, la mère de Néron se saisit avec avidité du pouvoir pour satisfaire ses uniques ressentiments et se défaire de tous ceux qu'elle pouvait soupçonner de réprouver ses actes. Plusieurs victimes tombèrent ainsi sous ses coups. Narcisse fut le premier à immoler à son ressentiment, et il fallut les conseils de Béruset de Sénèque pour préserver d'autres sujets de ses vengeances. Néron, redevable de l'empire à sa mère, lui témoigna d'abord la déférence et les égards qu'elle était en droit d'attendre de lui après de tels bienfaits. Ainsi, quand le Sénat envoya vers lui pour savoir quel nom était désormais celui de l'impératrice veuve, Néron joignit à son titre celui de la meilleure de toutes les mères. Et Agrippine, au comble du bonheur, ne prévit pas que ce moment était si près d'elle, où Néron sacrifierait sa mère et sa protectrice à sa jalousie et à ses soupçons. Cependant, l'empereur n'éprouvait que du dégoût et de l'aversion pour la vertu et la touchante beauté d'Octavie. Un objet si noble et si doux n'était pas capable de toucher le cœur d'un tyran à la fois farouche et voluptueux, et l'amour de Néron ne pouvait s'élever jusqu'à cette princesse. Celui d'une esclave était plus digne de lui. Acté devint la maîtresse de cette âme vile et basse. Burrus et Sénèque, loin de détourner Néron de son penchant, se prêtèrent à ses vues. Le stoïcisme du philosophe céda à la crainte. Le sage lui-même trembla de s'exposer à la résistance. C'est qu'en effet, la vertu n'était pas une adversaire capable de triompher du fils d'Agrippine. Et elle eut inévitablement succombé dans cette lutte trop inégale. Mais l'impératrice, accoutumée à régner seule sur son fils, n'usa pas de la modération des deux ministres. Elle se livra à toutes les fureurs que lui inspirèrent de trop justes prévisions. Ces violences n'eurent d'autre effet que de pousser Néron à secouer le genre de l'obéissance. Alors Agrippine s'aperçut, mais trop tard, qu'elle avait pour la première fois usé maladroitement de ses droits, et elle tenta vainement de réparer, par de basses adulations, ce tort immense. Son fils connaissait trop la feinte et l'hypocrisie pour se méprendre là et devenir la dupe de ce ton subitement adouci. Dès longtemps, l'élève avait surpassé le maître. la vengeance de Néron retomba d'abord sur la tête des créatures de sa mère imprudente, et Pallas l'affranchie, dont le dévouement avait mérité la confiance de l'impératrice, fut arraché aux emplois qu'il remplissait auprès d'elle. Agrippine, frappée de ce rude coup, ne garda plus de mesure. C'est alors qu'elle osa, témérairement, mêler à de sanglants reproches le nom de Britannicus. Ce prince infortuné, privé des honneurs de son rang, déchu de ses droits, gémissait sur un fléau dont il était la première victime, heureux encore de conserver la vie, rival de l'ombrageux usurpateur. Il semblait oublié d'un peuple qui pourtant, en secret, reconnaissait ses droits et conservait encore de l'attachement au fils de Claude. Agrippine, dans sa colère, rappela à Néron qu'il existait au monde un être qui pouvait lui contester sa puissance. « Britannicus croissait, disait-elle. Il allait incessamment devenir capable de succéder à son père et d'occuper une place qui était due à sa naissance et à ses vertus. Il allait enfin reprendre le pouvoir qu'un étranger, introduit dans la famille impériale, par une adoption frauduleuse, n'employait qu'à outrager sa mère, qu'à déchirer la main qu'il avait élevée. Comme Agrippine, autrefois, avait profité des menaces de Claude, Néron allait ménager à son salut toutes celles-ci. Et tandis que sa mère invoquait les mains outragées de Claude et de Silanus, l'empereur appelait à son aide ses ressources. À peine quelques jours avaient succédé à ces horribles scènes que Britannicus expirait, emportant dans la tombe le seul obstacle qui put encore inquiéter Néron sur le trône. Le tyran avait choisi l'instant de son repas pour l'exécution de cet horrible dessein. Agrippine, qui ne fut que témoin du crime, en frémit d'horreur et d'effroi. Et quoique habituée à la plus profonde dissimulation, elle ne put déguiser l'altération de ses traits et l'affreuse perplexité qui se peignit sur son visage. Les convives, épouvantés, la crurent alors aussi innocente de cette perfidie que la malheureuse épouse de Néron. Quand les convulsions de la mort eurent saisi le jeune prince, Agrippine porta des regards égarés sur son fils. Néron crut y voir son accusation, et l'impératrice dut lire alors, sur le front du meurtrier, qu'elle devait être sa dernière victime. Elle avait en effet bien lieu de craindre. Elle perdait sa dernière ressource, et elle comprenait que le fratricide pouvait entraîner un plus grand crime. Néron s'efforça d'imposer à la rumeur publique. Les présents, les flatteries achetèrent le silence, et des faveurs dispersées de toutes parts étouffèrent la voix de la justice, si faible alors dans Rome. Mais Agrippine fut implacable. Rien ne put la fléchir, et son courroux était trop bien fondé sans doute si elle eût su se contenir dans de certaines bornes et distinguer une sévérité légitime de l'emportement et de l'extravagance. Dès lors, elle chercha tous les moyens de former un parti contre son fils et elle ne travailla plus qu'à la perte de celui auquel, jusqu'alors, elle avait consacré sa vie. Tromper Néron, c'était une entreprise au-dessus des forces humaines. Il lui fallut celle de l'enfer. Agrippine s'en aperçut quand elle se fit enlever sa garde. Les émissaires de l'empereur remplissaient les cités, et de toutes les extrémités de Rome, ils se glissaient comme de vils serpents, recueillant les échos des secrets et des conjurations. Ils surprirent les projets d'Agrippine, et Néron, instruit, songea qu'il était temps de se mettre sur ses gardes. Déjà l'impératrice avait quitté, par les ordres de ce fils barbare, la cour où elle avait étalé si longtemps, aux yeux de la postérité, ses forfaits et sa puissance. Reléguée dans le modeste palais, qui fut jadis la modeste demeure de la mère de son dernier époux, Antonia, elle voyait s'éloigner d'elle peu à peu, et la brillante société qui formait sa cour, et les hommages qui entouraient la mère de l'empereur. Le peuple ne brûlait plus l'encens au pied de ses statues. Rome et les temples ne résonnaient plus de son nom, et le petit nombre d'esclaves qui la servaient ne fléchissait plus le genou devant Agrippine disgraciée. On eût dit enfin, alors que sa fortune était perdue sans retour, Agrippine était descendue tout entière dans la tombe. Quand Néron, pour mieux couvrir l'affreux projet qu'il nourrissait, venait visiter la triste solitude qu'il lui avait assignée, un froid baiser et quelques paroles vagues étaient l'unique témoignage de tendresse qui venait rassurer sa mère tremblante. Encore ne rougissait-il pas de laisser percer sa méfiance soupçonneuse, s'environnant toujours, dans ses courses, d'une troupe de centurions armés. Quel sort pour l'ambitieuse Agrippine! L'amour de Néron pour Poppea Sabina combla cette infortune. Non, ma perfide qu'Agrippine, elle était aussi avide qu'elle d'honneur et d'encens. elle crut pouvoir tout espérer de l'empereur épris de ses charmes, et elle ne s'abusa pas. Il manquait à Poppéa la pourpre ternie de l'Empire romain, au front fardé de la courtisane, la moitié du diadème de Néron. Elle devait bientôt s'emparer. Cependant, elle ne pouvait se flatter de faire répudier Octavie tant que vivrait Agrippine. À peine son époux Othon eut-il été chercher l'exil en Lusitanie, que Poppéa travailla à l'accomplissement de ses projets. Dès ce moment, elle s'étudia à écrire Néron contre sa mère. Elle ajouta sa haine soupçonneuse par de noires accusations, et la raillerie fit le reste. « Quoi ? » lui disait-elle. « Vous prétendez porter le titre d'empereur, et vous n'êtes pas même libre ? Vous n'êtes que le pupille d'une femme et n'agissez que sous sa tutelle. » C'est ainsi qu'elle acheva la perte d'Agrippine. Néron crut d'abord devoir recourir au poison, mais le crime était trop familier à Agrippine, et ce n'était point de la ruse qu'il fallait user, puisqu'elle en connaissait tous les détours. Néron s'arrêta donc à la violence, et ce fut Anicet, l'instrument de ses fureurs, qu'il chargea d'imaginer l'expédient. Ce vil courtisan avait su plaire à son maître, il avait épuisé la coupe des faveurs, et un ordre récent l'avait revêtu du titre de général des galères à Mycène. Haï d'Agrippine, et plein de haine pour elle, il accueillit avec joie la proposition de l'empereur, et il ne tarda pas à trouver un expédient. Il offrit à Néron de construire un vaisseau dont un ressort, quand il sera en pleine mer, ferait détacher une partie qui, tombant d'elle-même, devait entraîner Agrippine au milieu des eaux. Néron applaudit à ce procédé et s'occupa d'en rapprocher l'exécution. Sur la côte de Campanie s'élevait la ville de Baie. Agrippine aimait ce riant séjour, et parmi les sites enchantés qui l'entouraient, elle avait choisi Bol pour sa maison de plaisance. C'était dans cette délicieuse habitation qu'elle passait ses plus de loisirs. Déjà, dans ces beaux lieux se préparaient les fêtes de Minerve. Les temples qu'ombrageait l'olivier s'ouvraient aux cris de l'allégresse publique, et leurs autels se paraient de guirlandes. Néron, qui devait présider à ces solennités, invita Agrippine à l'y accompagner, et feignit de solliciter une réconciliation. Il sut si bien dissimuler que sa mère, tant exercée dans la ruse et si éclairée sur sa perfidie, se méprit sur la sincérité de ses vœux et se laissa tromper. Pleine de bonheur et d'espoir, elle quitta Ancium, traversa la mer et alla rejoindre son fils. Néron l'attendait sur le rivage. Il lui ouvrit ses bras et l'accabla de toutes les marques de tendresse possibles. La litière la transporta ensuite à Baie, et quand elle lui prit part au divertissement public avec son fils, elle se disposa au retour. Néron la conduisit jusque sur les bords où un riche vaisseau l'attendait. Sa poupe était couronnée de fleurs, son mât, son gouvernail, étaient chargés de dorures et d'ornements. Agrippine ne put soupçonner que, sous tant de richesses, on avait creusé pour elle un sépulcre. Sincère pour la première fois de sa vie, l'impératrice avait cru à la sincérité de son fils. Confiante, elle monta radieuse sur le vaisseau fatal. Jamais Néron ne s'était montré plus tendre. Il baisait 100 fois la main de l'impératrice. Les protestations de la plus parfaite soumission, les plus touchants discours, venaient flatter ses espérances renaissantes. Elle se crut la plus heureuse des mères. Quand le vaisseau se détacha du rivage, Agrippine put voir son fils debout encore et la suivant des yeux. Il demeura longtemps ainsi. Voulut-il continuer le rôle perfide qu'il s'était imposé, ou l'idée de la mort prochaine de sa mère lui causa-t-elle cette émotion malgré lui? L'impératrice partit. La nuit était claire, le ciel brillant d'étoiles, la mer tranquille, comme si le ciel avait voulu ôter toute excuse au parricide. Le vaisseau s'éloignait lentement, et les chants du pilote qui disait son hymne à Neptune, mesurés sur le doux murmure des vagues, troublaient seuls le silence. Tout à coup, un signal retentit et aussitôt le sol de la chambre d'Agrippine tombe et s'enfonce dans l'onde en écrasant Crépérius, qui seul avait accompagné l'impératrice avec une de ses femmes à Seriona. Mais ni Agrippine ni sa suivante ne souffrirent aucun mal. Livrée aux vagues, elle se met à la nage à Serionia pour se sauver, crie aux matelots qu'elle est la mère de l'empereur, qu'elle demande leur secours, et à ce titre, elle en reçoit la mort au milieu des eaux. Le prudent silence que garde Agrippine la sauve des fureurs de ces barbares. Le ciel vient en aide à cette mère infortunée. Elle voit s'avancer, du fond du lac Lucrin, des chaloupes qui la recueillent et en bénissant les dieux, Agrippine se revoit dans sa maison de Baul. Ainsi les flots de l'océan, tombeaux de tant d'infortunés, moins cruels que Néron, refusent d'anéantir la preuve de son crime et remettent à la terre l'exécution et les spectacles du plus lâche parricide. Échappée cette fois à une exécrable trahison, Agrippine, réfléchissant à des circonstances qu'elle ne prit pas pour accidentelles, eut bientôt reconnu l'ouvrage de Néron et le piège perfide où elle s'était laissée prendre. Elle pensa que désormais son unique ressource était de paraître l'ignorer. Elle envoyait donc vers son fils, l'un de ses affranchis, en lui faisant annoncer qu'elle venait d'échapper à une mort imminente par la protection des dieux et la bonne fortune de l'empereur. Mais Néron avait été trop loin pour reculer. Il vit qu'il ne pouvait sortir du péril que par une nouvelle tentative. Il se représentait déjà Agrippine en pleurs, dévoilant au peuple la sourde trahison qui l'avait conduit au pouvoir, les crimes qui lui avaient ouvert les voies du trône. Il entendait déjà le Sénat retentir du nom d'usurpateur. Verus et Sénèque étaient devenus ses confidents. Ils furent consultés tous deux dans ces périlleuses circonstances et ils décidèrent que c'était à Anicet d'achever ce qu'il avait commencé. Anicet ne recula pas devant l'accomplissement de cette œuvre exécrable. Il se rendit, avec ses centurions, devant la maison d'Agrippine. L'ombre de la fortune, qui semble être passée devant elle, avait ramené à ses pieds quelques-uns des amis de sa puissance déchue. Une immense multitude l'entourait et rendait grâce au Dieu d'avoir conservé Agrippine à l'état. Toute la côte retentissait de plaintes, de vœux, de murmures. Cependant, l'apparition d'Anicet en ces lieux fit taire les uns, dispersa les autres. Bientôt la place ne portait plus que les haies de soldats qui entouraient la demeure de l'impératrice. Alors, le barbare émissaire de Néron renverse les portes, s'assure de tous les gens de sa victime et pénètre enfin dans son appartement. La faible lueur d'une lampe expirante éclairait la chambre où Agrippine se trouvait avec une de ses femmes. Elle entretenait celle-ci de ses craintes quand elle la vit fuir avec ses autres serviteurs. « Quoi ? » lui dit-elle. « Tu m'abandonnes donc aussi ?» Puis elle s'avance vers la porte et recule d'horreur et d'épouvante. C'était Anicet, l'épée à la main. Héraclius, capitaine des galères, le suivit avec ses agents. Dans cette cruelle extrémité, la présence d'esprit n'abandonna pas Agrippine. Sans ressource, dans ce péril extrême, elle alla au-devant d'Anicet, et s'adressant à lui, « Si tu viens savoir des nouvelles de mon état, dit-elle, réponds que je me trouve mieux. Si tes desseins me sont contraires, je n'en crois pas mon fils coupable. Il n'a pu commander un parricide. » Aussitôt, les meurtriers environnent son lit. Héraclius, aussi cruel que celui auquel il servait d'auxiliaire, prétend commencer le forfait. Il frappe rudement de son arme la tête de l'impératrice. Mais elle, lui montrant son sein, s'écrie « Frappe plutôt ce sein qui a porté Néron !» Quelques instants après, Agrippine, percée de coups, fut laissée inanimée et baignée dans son sang. Alors, les assassins, assurés qu'il lui avait enlevé jusqu'au dernier souffle de l'existence, allèrent demander aux parricides le prix du sang qu'ils avaient versé en son nom. Nous sommes en l'an 59 de Jésus-Christ. Les ténèbres de la nuit dérobèrent à la vengeance de Néron le spectacle des modestes funérailles de sa mère. Pas une larme n'arrosa ses cendres recueillies par de pieuses mains dans l'urne funéraire, et l'on fut plus étonné qu'attendri de voir le meurtre volontaire de Menster, un de ses affranchis qui, après s'être passé l'épée au travers du corps, s'élança au milieu des flammes ardentes qui dévoraient le cadavre sanglant d'Agrippine, unique témoignage d'affection rendu à sa mémoire. Tant que Néron porta la pourpre qu'il avait reçue de ses mains, sa mère n'eut pas de tombeau. Ce ne fut qu'après sa mort, en l'an 68 de Jésus-Christ, que des gens de sa maison payèrent ce dernier tribut à la reconnaissance. Non loin du grand chemin de Mycène fut dressé un obscur mausolée. D'épais ombrages y cachaient aux yeux du voyageur le nom d'Agrippine. La fille de Germanicus, l'épouse de Claude, la mère de Néron, était là. C'était Agrippine, mère de Néron, par Pitre Chevalier.